Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de septembre à juin consacré à la semaine du bonheur à l'école. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir six invités que je vais vous présenter par ordre alphabétique. Donc, nous avons Sandrine Baucher, qui est professeure agrégée d'anglais dans un lycée de Brive-la-Gaillarde, formatrice académique en compétences psychosociales et dans le groupe Enea de l'Académie de Limoges. Xavier Boutrel, qui est professeur de lettres, chargé de mission des compétences psychosociales, membre du groupe BCR de l'Académie de Créteil, Bienveillance, Coopération, Réussite, et qui est titulaire du master Artenact UPEC, qui est un master en pratique et ingénierie de formation spécifique à la pratique artistique dans une écologie inactive des apprentissages. Mathieu Cassotti, professeur en psychologie du développement à l'Institut de psychologie d'Université Paris-Cité, membre junior honoraire de l'Institut universitaire de France, membre du laboratoire LAPSIDÉ, laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Pascal Haag, auteur de deux thèses, dont une en psychologie sur l'expérience doctorale, maîtresse de conférences à l'EHESS, cofondatrice de la LabSchool Network, excusez-moi, qui se propose de mettre la recherche au service de la réussite éducative et de favoriser les échanges dans l'ensemble des acteurs de l'écosystème éducatif. Et fondatrice de la LabSchool France en 2017. Caroline Prévy, professeure d'EPS, référente bonheur au collège Beltrame à Pégomas dans l'Académie de Nice. Et Laure Reynaud, auparavant enseignante en primaire et au lycée, diplômée de psychologie positive, fondatrice de Scolavie, auteure de deux ouvrages CERETS. Et peut-être que tu veux nous parler de Scolavie maintenant ou pendant qu'on parle de la semaine du bonheur, je ne sais Oh ben juste un pas. petit mot, comme ça je ferai le lien avec en plus Pascal Haag, qui fait partie de notre conseil scientifique de Scolavie, qui est une association juste qui œuvre pour le bien-être à l'école, justement, grâce au développement des compétences psychosociales. Eh bien, merci à tous d'être là. Et donc, la première question, la plus large, c'est pourquoi cette semaine du bonheur à l'école? Comment est-ce qu'elle est née? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le bonheur, qui peut être un objectif qui paraît très ambitieux, surtout à l'école? Donc, voilà. Comment? Pourquoi? Je peux peut-être commencer à répondre. Je suis Pascal Haag Pascal. et je fais partie du laboratoire Bonheur de l'Université de Cergy, qui était à l'initiative de cette idée d'une semaine du bonheur à l'école. Je pense qu'il faudrait que le bonheur à l'école, ce soit tous les jours, mais l'idée était de mettre en place une semaine autour de la date de la Journée internationale du bonheur à l'école qui a lieu au mois de mars, pour expérimenter différentes pratiques, différents dispositifs qui peuvent favoriser le bonheur, le bien-être à l'école, le bonheur d'apprendre. Et cette initiative a commencé en 2020. Je ne sais pas exactement quel nombre d'écoles qui avaient suivi. Et à partir de 2022, avec Scolavie et avec le LabSchool Network, on s'est dit que pour favoriser la participation à cette semaine, il pouvait être utile de proposer un petit livret d'activités facile à mettre en œuvre dans les classes, un petit peu des activités clés en main, en partant des outils que développe Scolavie et en partant de cette idée de faire plus de liens entre la recherche et les acteurs éducatifs. Et donc la participation du LabSchool Network, c'était notamment de partir des éléments qu'on avait choisis. On a choisi des éléments comme la gratitude, comme la régulation des émotions, comme de prendre appui sur ses forces, sur ses ressources personnelles. Et on donnait à chaque fois une définition des concepts et puis on expliquait à partir d'études scientifiques, puisque l'idée était de faire le lien avec la recherche, d'expliquer en quoi c'était important à l'école. Voilà un petit peu l'origine du projet. Et du coup, quels sont les effets attendus sur le bien-être, sur les apprentissages, sur le parcours scolaire? Alors, je suis Caroline Prévy, professeure de PS au collège et dans l'équipe bien-être. L'année dernière, nous avons initié la semaine du bonheur à l'école au collège. L'idée, en fait, c'était un petit peu de démarrer des actions et de donner envie aux collègues ensuite de continuer dans ce sens. Donc, il y a eu plein de petites réflexions, que ce soit en langue ou dans d'autres matières. Il y a eu des compliments envoyés aux autres pour essayer de développer un peu l'empathie. Il y a eu des poèmes collectifs. On a essayé d'aménager l'espace de vie à partir de cette date-là pour faire en fait une semaine marquante avec plein de petites actions. Et l'idée, c'était bah, de continuer, de mettre en place des dispositifs nouveaux, bien sûr, à partir de cette semaine-là, mais d'essayer d'initier le fait qu'il perdure derrière et de donner envie toujours de développer le bonheur à l'école. Alors, ce n'est pas une mission facile, hein, on essaye de fédérer tout le monde. Et je pense que plus on va en parler, plus on va réussir à montrer l'effet positif que ça a sur les élèves, sur le climat scolaire. Et plus on arrivera en fait à motiver tout le monde, que ce soit les petits pour créer eux-mêmes des actions, ou les adultes aussi, qui voient que en fait le climat des classes, le climat d'ambiance générale du collège peut s'améliorer. Et du coup, tu parlais de réflexion en langue. Je ne sais pas si tu as un petit peu développé ou. Bah en fait, créer des phrases sur le bonheur à l'école dans différentes langues, les D'accord. différentes langues qui sont étudiées au collège. Et ça a commencé en latin, en français, en anglais, en espagnol. Et puis après, on a fait une petite vidéo à la fin de la semaine pour montrer toutes les actions qui avaient été faites, pour aussi que ça se reflète à l'extérieur du collège et montrer notre envie. Et du coup, si je comprends bien, tu me dis votre groupe de travail dans l'établissement, l'objectif c'était d'améliorer le climat scolaire, c'est ça? Bah, participer, oui, à améliorer le climat scolaire et puis bah, donner un peu un. Faire en sorte qu'il y ait un tremplin et que tout le monde puisse s'appuyer sur nos idées et amener les idées des uns et des autres pour que en fait tout le monde ait envie de faire un peu de bonheur à l'école. Plein de petits plus, ça donne un grand plus, on va dire. Donc, on démarre doucement, bien sûr, c'est encore un nouvel objectif, même si c'est pas qu'avant on ne voulait pas le bonheur des élèves, mais plus ça va, plus on en parle. Ça passe aussi par la lutte contre le harcèlement, contre les violences, contre tout. Donc c'est un grand chantier, mais on essaie d'y travailler régulièrement. Je veux bien prendre la suite. Oui, Sandrine. Oui, je suis enseignante, j'enseigne l'anglais au lycée Cabanis de Brive. Et pour parler du bonheur à l'école, je crois aussi qu'il faut rappeler que ben finalement, l'aisance dans l'apprentissage, c'est plutôt un paradoxe. On ne devient pas à l'aise avec une compétence si on n'a pas suffisamment pratiqué pour la maîtriser. Et du coup, ben c'est particulièrement inconfortable de savoir qu'on ne sait pas. Et quand on est enseignant d'anglais, par exemple, ou d'espagnol, d'italien, de langue, on sent bien que quand on ne maîtrise pas une compétence, on sent qu'on n'est pas au point. Et du coup, c'est particulièrement inconfortable. Et du coup, travailler sur le bonheur à l'école, c'est aussi déclencher chez les collègues et chez tous les adultes accompagnants l'idée qu'il faut accompagner cet inconfort et il faut en faire quelque chose de concret. Et accompagner le courage de pratiquer quand on ne maîtrise pas finalement déjà, c'est déjà une première étape vers le bonheur. Il y a une deuxième chose aussi qui est importante, c'est d'accepter la critique. Quand on ne maîtrise pas, on sait bien soi-même qu'on ne maîtrise pas, mais l'adulte qui va montrer qu'on ne sait pas doit aussi avoir des outils pour pouvoir présenter son feedback de façon la plus favorable possible. Pour accepter cette critique-là, ça aussi, ça s'apprend. Et en fait, une semaine de bonheur à l'école, c'est aussi montrer qu'on peut s'adresser aux enfants et bien de façon différente, de dire merci. Pascal parlait tout à l'heure de gratitude. Merci d'avoir contribué parce que ça nous permet de rebondir sur ce que tu as dit. Et toi aussi, tu vas pouvoir apprendre. Tu as un impact sur toi-même et sur les autres aussi. Et donc, toutes ces petites choses-là, l'inconfort de l'apprentissage, le courage de faire quand même, accepter la critique. Tout ça procède des sciences cognitives, ça procède de plein d'enseignements que Scolavie nous a donné d'ailleurs depuis très longtemps à Limoges. Et ça aussi, ce sont des petites choses qui font que ça change dans les établissements. Et une semaine dédiée, eh bien, à mon avis, c'est une excellente façon d'amener les collègues aussi à toutes ces notions-là. Tu voulais rebondir? Oui, déjà merci pour tout ce que tu as partagé, Sandrine. Moi, ce qui me paraît important aussi de dire, effectivement, dans l'idée de augmenter le pouvoir d'agir de chacun sans au injonction aucune, quand on parle du bien-être à l'école, on parle du bien-être des élèves, bien sûr, sans oublier celui des enseignants, sans oublier aussi voilà, tous les membres de la communauté éducative. Et je pense que cette semaine, un des effets attendus pourrait aussi être de nourrir ce sentiment d'appartenance, qui est un des trois besoins psychologiques fondamentaux. Voilà, on appartient ensemble à une structure et il nous appartient à tous, chacun, individuellement et collectivement, de contribuer au mieux vivre ensemble. Et donc, c'est vrai qu'au-delà des effets attendus sur le climat de classe hein, qu'on peut espérer, je pense qu'il y a peut-être aussi une augmentation du sentiment de satisfaction envers l'école, une meilleure intégration et voilà, ce sentiment d'appartenance qui est nourri et qui est à la base du bien-être et de la motivation et de l'engagement. Alors, bien sûr, une semaine, c'est mieux qu'une journée, ça correspond plus, je dirais, au temps scolaire. Et l'idée ensuite, bien sûr, c'est de pouvoir entretenir ça dans la durée. Mais comme le disait aussi Caroline, c'est vraiment donner envie, ouvrir des portes, consolider peut-être, conscientiser des pratiques qu'on fait déjà. Parce que parfois, ça demande à sortir un peu de sa zone de confort. Mais le fait, et on le sait tous, mais c'est important de le dire, c'est qu'on ne part pas de rien. On fait déjà tous au quotidien des actions en lien avec le bien-être. Et l'idée, c'est de peut-être conscientiser tout ça et de voir ensemble comment est-ce qu'on peut être plus efficace dans la durée, puisque y a quand même des effets qui peuvent être entendus sur le bien-être, sur les résultats, sur la satisfaction professionnelle des enseignants aussi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Mathieu, tu peux nous dire quels sont les attendus de travailler ce bonheur à l'école, ce bien-être à l'école? Alors, le travail à l'école, c'est une chose. Sur la semaine, on ne s'attend pas à changer tout en claquant des doigts en une semaine. L'enjeu, c'est d'initier, de provoquer une réaction et de montrer que oui, se poser la question du bonheur, se poser la question du bien-être, se poser la question des émotions, du ressenti, de la gratitude, de tout un tas de compétences psychosociales, c'est important de le faire aussi à l'école. Et que l'école, elle n'est pas juste là pour essayer de donner des connaissances ou de gaver en fait le cerveau des élèves d'un certain nombre de savoirs disciplinaires, elle est là aussi, et c'est ça le rôle de l'éducation, c'est de faire en sorte de les faire devenir des citoyens, des êtres humains qui interagissent ensemble, qui sont capables de se comprendre, qui sont capables de ressentir des émotions et de savoir ce que ça veut dire, qui sont capables aussi de se maîtriser, de se contrôler. Et tout ça, ça passe par une autre façon d'apprendre, une autre façon en fait de concevoir la pédagogie. Et comme malheureusement, en fait, la formation des enseignants et plus largement, en fait, j'ai envie de dire, le climat de l'éducation nationale n'est pas toujours propice à ce genre de développement au sein des classes. C'est important qu'on puisse avoir une semaine qui le marque et qui mette en fait les projecteurs en fait sur cette question-là pour pouvoir initier un changement profond et durable à l'école. Et quand je dis à l'école, c'est important de le faire à l'école, au primaire, c'est essentiel au collège et au lycée où on se rend bien compte que là aussi, il y a beaucoup de souffrance en fait, des élèves et de difficultés, parce qu'on parle du bonheur, mais à côté, en face, il faut quand même lui opposer une certaine souffrance. On parlait de harcèlement, mais il n'y a pas que le harcèlement. C'est-à-dire que rien ne se posait la question de savoir si un collégien aujourd'hui, il est content d'aller en cours ou il est content d'apprendre et de rester 8 heures par jour à regarder des profs se succéder pour essayer de lui donner des connaissances qu'il ne comprend pas forcément toujours. Là, il y a vraiment un enjeu au collège et au lycée à travailler avec eux. Et j'ai envie de dire, moi étant à l'université, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait non plus sur le bonheur à l'université et qu'on aurait beaucoup à travailler sur ces éléments-là. Alors, vos premières réponses m'amènent beaucoup de questions, comme à chaque fois, parce que c'est passionnant. La première, c'est que vous avez tous et toutes souligné le côté ponctuel comme un démarrage ou une mise en lumière, mais comme n'étant pas suffisant. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que vous proposez ou vous faites pour rendre plus durable, justement, comme disait Mathieu Cassotti, ce changement profond? Comment on peut faire ou qu'est-ce qui est déjà mis en place? Xavier? Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup à tout le monde parce que moi, je partage tout ce qui a été dit. Et là, sur cette question que tu viens de poser, Emine, en tant que chargée de mission de la mission des compétences psychosociales, je voudrais juste apporter un témoignage rapide parce que je ne vais pas pouvoir répondre à toute ta question. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une demande très forte du terrain. Extrêmement forte, c'est même assez troublant de s'apercevoir que sur tous les chaînons du système, eh bien, les demandes se font jour. Alors, je peux témoigner par exemple des demandes dans le premier degré qui sont de plus en plus fréquentes. Il y a une abondance de gens qui se posent ces questions-là et qui, parfois, est en partie effectivement d'une semaine du bonheur, se posent la question de savoir comment on va faire. Et puis, c'est vrai aussi au collège, c'est vrai au lycée. Et évidemment, à chaque fois, ça prend des colorations un peu différentes, parce que évidemment, les problématiques ne sont pas exactement les mêmes. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si on veut répondre à tout ça et l'inscrire dans la durée, il faut avoir absolument un système qui, enfin, quelque chose dans le système, une entité dans le système, qui soit là pour entendre, écouter, accueillir et faire la synthèse, en fait, de tout ça pour pouvoir proposer, justement, par exemple, de la formation. Ou, tout simplement, parce que parfois, ça n'est que de ça dont il est question, une aide méthodologique, se déplacer dans l'établissement ou dans l'école, écouter les collègues, les aider à éclaircir hein, la situation dans laquelle ils se trouvent, parce que souvent, effectivement, il se fait déjà beaucoup de choses dans l'école ou dans l'établissement. Et donc, leur apporter une aide méthodologique, conceptuelle aussi parfois, et puis logistique. Qu'est-ce qu'on peut faire hein, pour vous aider à faire en sorte que le projet que vous aimeriez mener puisse s'inscrire dans la durée et surtout dans la réalité de l'établissement et de l'école. Parce que la grosse question qui se pose à nous, c'est comment on va enraciner hein, véritablement ce qui est en train de se faire, de se produire, et comment on va l'aider à se développer sur la durée. Alors, c'est un très gros travail, parce que eh bien, il faut réfléchir à la formation, il faut réfléchir aux appuis de la recherche que l'on peut avoir, il faut avoir les bons partenaires dans la recherche, il faut aussi avoir eh bien, un staff de formatrices et de formateurs, il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à ta question, mais voilà des éléments qui, en tout cas, à nous, mission des compétences psychosociales, se posent de manière très, très forte pour justement pouvoir aider dans la durée à ce que les choses s'enracinent et prennent forme. Alors, il y a quand même un élément qui peut aider, c'est par exemple s'engager dans une labellisation. Bon, ça, c'est très technique, c'est encore un point particulier. Voilà. Alors, en fait, j'ai une question pour toi, pour rebondir sur ce que tu as dit. Est-ce que tu aurais un exemple de questionnement, justement, d'établissement que tu aurais suivi, c'est-à-dire que quelle forme ça prend et comment se déroule ton accompagnement ou l'accompagnement du BCR, je ne sais pas. Alors, comment ça peut se dérouler ? Ben, j'ai plusieurs exemples en tête. Hein. Ça peut être, par exemple, quelqu'un a entendu une conférence, a participé à une conférence, par exemple, une conférence de Bénédicte A, pour la citer, clairement, qui est donc la pilote de cette mission. Et des gens ont été enthousiasmés, par exemple, et nous écrivent. Et on reçoit un mail. Madame Arr, on vous a entendu. On voudrait absolument développer quelque chose. Ça résonne fort avec ce que l'on fait sur le terrain. Et du coup, moi, j'ai par exemple pu aller comme ça accompagner une école à distance. J'ai pu aussi me rendre dans un collège qui se posait des questions sur le bien-être des élèves en SECPA en particulier. Et là, on est vraiment dans la réalité du terrain. Hein, donc à Saint-Denis, en l'occurrence. Et puis, ça peut être aussi tout simplement des gens qui m'appellent ou qui m'écrivent en disant ben, « Voilà, moi, j'ai commencé à monter un projet, mais là, je bloque parce que je ne sais pas comment faire. » Alors, j'ai en tête un projet dans un lycée du sud de la Seine-et-Marne où l'aide que j'ai pu apporter a été d'abord et avant tout une écoute, et une écoute, je dirais, empathique et bienveillante parce que, dans ce pays, on a la forte tradition de commencer par dire bah, « ce que je fais ne vaut pas grand-chose hein, » donc... et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et en fait, voilà, je suis par ailleurs formé à l'entretien d'explicitation, d'aider la collègue, hein, les deux collègues en l'occurrence, en leur disant bah, « si vous voulez bien, on va quand même partir d'une de vos réussites, hein, parce que tout n'est pas qu'échec malgré tout dans ce que vous avez fait ». Et on a déplié ensemble la réussite. Et en fait, cette réussite, elle était considérable au vu de l'établissement dont il s'agissait et que je connaissais pour y être allé. Elle était déjà considérable. Et ensuite, et qu'est-ce que c'était ? Parce que ça fait du suspense. C'était quoi cette réussite ? Ce que c'était d'organiser le projet s'appelle Percée. Bon, donc avec évidemment il y a le héros derrière, le héros mythologique derrière, mais il y a aussi Persévérance évidemment qui se glisse derrière. Et l'idée, c'était d'arriver à voir comment on pouvait avoir un lieu dans l'établissement pour accueillir des élèves qui en éprouvaient le besoin pour des raisons différentes, pas simplement parce que j'ai raté mon contrôle de lettres, de maths ou d'anglais, hein, mais pour des raisons qui pouvaient être variées. Et comment on pouvait les accueillir, les écouter, leur offrir une écoute et éventuellement une aide. Donc vraiment, c'est ça le tout début de ce projet, qui était un projet qui était vraiment fondé sur l'écoute et qui est mené en partie par donc une assistante sociale, donc qui elle, évidemment, a une vision encore différente des élèves et des problèmes. Et c'était vraiment ça. Alors, le problème, il est souvent matériel, c'est-à-dire comment trouver le bon lieu dans l'établissement, comment avoir une salle à disposition, et puis ensuite, comment entraîner d'autres personnes dans ce projet. Alors, ça tombait bien, parce que dans ce même département, il y a un lycée qui fait un projet extraordinaire qui s'appelle Regards croisés, et qui, sur, je dirais, 4-5 ans, a permis de recevoir des dizaines et des dizaines d'élèves avec un suivi de la seconde à la terminale, voire en BTS. Alors là, ce n'est plus tout à fait le même projet, mais je l'avais en tête et du coup, ça m'a beaucoup inspiré pour pouvoir apporter une aide méthodologique à ces deux collègues. Une assistante sociale et l'autre CPE, puisque je ne l'avais pas précisé tout à l'heure. Je ne sais pas si je t'ai répondu, Émilie. Si, si, si. Merci beaucoup. Il y avait Laure qui voulait intervenir, je crois. Oui, rapidement, mais simplement pour confirmer aussi ce que disait Xavier, c'est qu'on sent qu'évidemment, cette question du bien-être à l'école ou du développement des CPS, bon, depuis la sortie de l'instruction interministérielle, du référentiel de Santé publique France, voilà, eh bien, a été un peu remis au goût du jour. Même notre ministre l'a parlé du bonheur à l'école lors de son introduction au colloque du CNESCO sur cette question du bien-être. Donc, on voit bien que cette question occupe le devant de la scène. Je voulais dire effectivement trois choses. Un, c'est vrai que les demandes de formation, du coup, augmentent considérablement. Donc, on voit bien que ça répond à un besoin vital du terrain. Et on ne peut que s'en réjouir, puisque quand on sait que la formation est un déterminant d'un enseignement efficace, malheureusement, bon, c'est le contexte de la formation en France, il y aurait encore beaucoup de choses à faire, à dire, mais quand même, justement, un message d'espoir pour dire, un, que ça augmente. Dans l'idée d'accompagner dans la durée, qui était ta question initiale, je trouve que les écoles académiques de formation avec lesquelles on travaille pensent de plus en plus en idée de parcours. C'est-à-dire qu'on a bien conscience que des interventions ponctuelles, comme une journée, une demi-journée, voire une semaine, hein, voilà, c'est peut-être pas suffisant et qu'il faudrait pouvoir proposer aux professionnels, notamment aux enseignants, un parcours dans la durée pour les accompagner sur ce chemin, puisqu'on n'en est pas tous au même endroit, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et ça, je trouve que c'est quand même voilà, une bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des cités éducatives qui se sont emparées de cette question du bien-être et qui développent sur le plan territorial, voilà, des actions communes. Comment est-ce que l'école, le personnel de la ville, enfin, comment est-ce qu'à tous les niveaux, est-ce qu'on peut travailler, mettre en place des actions conjointes, cohérentes, efficaces pour améliorer cette question du bien-être à l'école notamment. Et ça, quand même, c'est... pour participer à certains projets en cours. Je trouve que c'est vraiment très enthousiasmant, c'est très exigeant, c'est titanesque, mais de voir plusieurs acteurs de niveaux différents se mettre ensemble autour de la table et d'essayer d'y réfléchir, c'est vraiment quelque chose d'enthousiasmant. Et troisième chose, nous, chez Scolavie, et je terminerai là-dessus, on a bien conscience qu'accompagner ponctuellement, bah, c'est déjà intéressant, nécessaire, mais que pour accompagner dans la durée et pour être encore plus efficace, il faut développer des outils numériques aussi. Donc, ça ne fait pas tout, mais comment est-ce qu'on peut muscler justement l'efficacité de ces interventions en présentiel pour accompagner les pratiques dans la durée. Et donc, on a une plateforme de formation en ligne qui est gratuite et qui permet des parcours en ligne, qui permet des webinaires de partage et d'échange de pratiques. Parce que ce que montre cette semaine, cette organisation de cette semaine du bien-être à l'école, c'est que souvent, les enseignants se sentent un peu seuls dans leur pratique, où ils ont besoin de se conforter, d'échanger, de partager ce qu'ils font déjà, ce qu'ils aimeraient faire. Et c'est un espace voilà, qui le permet et on se réjouit parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui chaque mois se connectent pour justement venir s'inspirer, partager leurs pratiques. Et franchement, on apprend autant qu'eux et c'est réjouissant. Voilà, voir qu'on avance, même si le chemin est long, qu'il est parfois difficile, on avance. C'est vrai que du coup, micro-intervention de ma part, mais j'ai travaillé avec l'Académie de Nantes, le groupe de travail sur la persévérance scolaire, et leur travail de l'année, enfin leur réflexion de l'année, c'est sur les compétences psychosociales, justement. Et il y avait Xavier, tu levais la main. Tu voulais intervenir. Oui, ben parce qu'en écoutant Laure, je me suis dit qu'évidemment, il y avait des éléments que j'avais oublié de préciser. Donc, on propose justement des formations. Certaines sont d'un format de 3 heures. Donc, effectivement, ça, c'est très, très ponctuel. Après, ça peut passer à 6 heures, mais on peut aussi avoir des formations de 18 heures. Et là, travailler 18 heures, c'est-à-dire en gros 3 jours avec une équipe localement dans un établissement, c'est clair que ça change beaucoup la donne. Et puis, l'année d'après, cette équipe peut demander de nouveau à bénéficier d'un suivi et d'une formation. Et c'est là que je rejoins tout à fait ce que tu as dit, Laure. Les services de l'École académique de la formation, en tout cas pour l'académie que je connais, c'est-à-dire celle de Créteil, sont extrêmement attentives de donner les moyens à une équipe qui veut avancer, de pouvoir continuer d'approfondir un point. Voilà. Donc, c'était juste une petite précision. Caroline, tu voulais compléter sur cette question d'action durable? Oui, je rebondis à ce que Xavier a dit en premier. En fait, nous, on a créé au collège, en fonction des besoins qu'on a vus, des systèmes de barres à solutions. Alors, il n'y a pas de boisson, hein, c'est juste de la parole, mais on peut s'abreuver aussi de la parole des profs et des élèves. En fait, on a un bar à solutions pour tout ce qui est devoir. Donc, c'est un espace où les élèves savent que de telle heure à telle heure, il y aura plusieurs enseignants et qui peuvent venir poser des questions de manière ponctuelle à des enseignants qui connaissent ou qui ne connaissent pas, mais qui peuvent débloquer des problèmes en fonction de leurs besoins du moment. Et ça marche vraiment bien et ça contribue, je pense, à la réussite aussi des élèves. Et on pense aussi l'ouvrir sous la forme de barre à solutions pour toutes les autres problématiques, c'est-à-dire tu as un problème avec ta famille, tu as envie de parler à un adulte et tu as envie d'avoir quelqu'un à ce moment-là, mais tu sais que de telle heure à telle heure, il y a un adulte dans cette salle-là, dans cet espace-là où tu te sentiras bien et où on va accueillir ta parole. Tu as un souci à la maison, tu as un souci au collège, tu as envie de parler de harcèlement ou de violence, il y a quelque chose qui t'a choqué. Et en fait, ça, tout ça va correspondre à la réponse aux vrais besoins des élèves. On sait que les élèves, enfin, si on laisse la porte ouverte à la récré au gymnase, nous, eh ben, on va avoir 15 élèves qui vont défiler. Ils ont envie de dire bonjour, ils ont envie de parler. Et je pense qu'offrir ce genre d'espace de parole, ben, ça permet aussi aux élèves de se sentir bien dans l'établissement. Donc, faut trouver plein de petites actions possibles. On fait aussi le mardi, on s'explique, où on parle de sexualité, où c'est un espace où les élèves ont deux enseignants en face d'eux, un homme et une femme, et ils peuvent parler des questions en lien avec la sexualité. Donc, on essaie un peu de couvrir tous les domaines et de cerner les besoins de nos élèves. Et on sait qu'ils sont nombreux, donc on fait ce qu'on peut. Voilà. Merci beaucoup. Mathieu, tu voulais réagir? Je voulais réagir sur deux choses, en fait. D'une part, le besoin de formation. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de formations qui se mettent en place. Et je sais que, avec les collègues au laboratoire, on participe beaucoup à faire des conférences aussi pour promouvoir. Il y a plein d'autres laboratoires et plein d'autres chercheurs le font aussi pour promouvoir la nécessité, en fait, de travailler sur les compétences psychosociales. Il y a quand même un point qui est compliqué, c'est les retours qu'on a de nos collègues dans les INSPE, où là, par contre, la place des compétences psychosociales est, je ne vais pas dire nulle, mais quasiment nulle, parce que ils vont avoir 6 heures pour traiter quasiment de toute la psychologie. Alors, je sais que ça dépend beaucoup des INSPE, mais l'INSPE de Paris, hein, que je connais un peu, pour avoir des collègues du laboratoire dedans, je peux vous dire qu'ils se battent au quotidien pour obtenir la possibilité d'avoir ne serait-ce que du temps devant les futurs profs et pour pouvoir les former sur ces éléments-là. Donc, je pense que c'est important. Et le deuxième élément que je pense aussi important à prendre en compte pour la semaine du bonheur, c'est pas la semaine du bonheur uniquement pour les élèves, c'est aussi pour les enseignants. Et que toutes ces compétences psychosociales, tout ce travail autour de la relation, de la communication avec les élèves, du changement de posture qu'on peut avoir avec les élèves, mais aussi avec ses collègues, de la coopération, parler d'outils coopératifs, de partage de pratiques, etc. Tout ça sont des éléments fondamentaux des compétences psychosociales qui rejaillissent sur les enseignants eux-mêmes. Et donc les enseignants, parce que parfois il y a une petite perte de sens quand même dans notre métier quand on est face à des élèves et qu'on voit que c'est pas toujours évident, qu'on n'y arrive pas, que c'est compliqué, des injonctions contradictoires. C'est aussi un enjeu de reprendre le plaisir, de reprendre l'envie de travailler sur ces éléments-là et de travailler différemment de ce qui a été fait jusqu'alors. Et puis, on sait que le bien-être des enseignants a un impact aussi sur le bien-être des élèves. Donc, c'est une boucle vertueuse. Bon, on va dans le bon sens. Mais... Et petite question, c'est-à-dire que tu interviens dans des établissements scolaires pour, enfin, avec tes collègues d'ailleurs, pour parler des compétences psychosociales, du bien-être à l'école, c'est ça? Oui, alors Ok. on est nombreux à le faire, mais on est Okay. souvent sollicité, hein, soit par les CARDI, soit directement par les établissements avec qui on travaille. Donc on fait beaucoup de conférences, hein, chaque année. Je crois qu'on fait en tout une centaine de conférences dans les établissements scolaires, soit de restitution parce qu'on a fait un projet avec eux et donc un projet de recherche avec eux et donc on vient faire une intervention, soit parce qu'il y a une demande véritablement de travail autour des compétences psychosociales ou d'autres domaines, hein, parce qu'on a aussi des spécialistes du langage ou d'autres éléments, les troubles neurodéveloppementaux. Donc il y a beaucoup de conférences qui sont faites, soit à destination des enseignants et de l'équipe éducative d'une manière générale, soit on a aussi des interventions qu'on fait auprès des lycéens ou des collégiens eux-mêmes, en fait. Et on travaille aussi avec les adolescents ou avec les enfants pour leur exposer et leur... Parce qu'on part du principe que mieux ils connaîtront le fonctionnement de leur cerveau, mieux ils seront capables aussi de comprendre leurs réactions et ce qui se passe dans leur tête. Ils ont besoin d'avoir aussi ce qu'on appelle des métaconnaissances sur le fonctionnement de leur cerveau pour pouvoir mettre en place les bonnes stratégies. Si je ne sais pas comment je fonctionne sur le plan émotionnel, si je ne sais pas comment je fonctionne sur le plan social, mais même si je ne sais pas apprendre à apprendre d'une certaine manière, je ne sais pas comment fonctionnent les mécanismes d'apprentissage, c'est difficile de mettre en place les stratégies qui sont efficaces. Et donc, on a tout un travail qu'on fait au laboratoire sur essayer justement en fait de vulgariser ces connaissances-là de manière à casser un certain nombre d'idées reçues, parce qu'il en existe beaucoup. Et de faire en sorte que les élèves ils puissent mettre en place des stratégies qui soient efficaces. Et ça, on le fait à l'université, mais on le fait aussi au collège, au lycée, dès qu'on le peut. Mais on reste des chercheurs. Donc, notre travail en soi n'est pas d'aller dans toutes les écoles pour pouvoir former les enseignants, mais plutôt de faire de la recherche. Mais on a une activité, on essaye de trouver un équilibre entre notre activité d'enseignant, de chercheur et aussi de diffuser en fait, les connaissances scientifiques aux collègues. Et. L'autre point qu'on fait beaucoup, c'est des recherches-actions. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que de travailler avec les enseignants de façon à ce qu'ils puissent mettre en place des pédagogies fondées sur des données probantes. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de questions et comme il y a beaucoup de choses et effectivement il y a beaucoup de réflexions autour de ces questions, il y a aussi pas mal de neuromythes ou de méthodes dont on sait qu'elles ne fonctionnent pas qui sont véhiculées par les réseaux. Donc, on essaye de travailler avec eux sur la nécessité de travailler sur des outils qui ont fait leur preuve d'une certaine manière d'un point de vue scientifique, mais aussi les travailler avec eux sur comment ils pourraient évaluer leur propre intervention pédagogique. C'est-à-dire qu'au-delà de la satisfaction qu'ils pourraient avoir à mettre en place une superbe intervention pédagogique, il y a un enjeu quand même à se poser la question de savoir quelle efficacité cette intervention a eue. Et ça peut être divers, hein. La question de l'évaluation en soi est une question très, très profonde, hein. Je ne pense pas que l'efficacité d'une mesure pédagogique sur les compétences psychosociales doivent s'évaluer sur la performance en mathématiques des élèves. Vous voyez. Je ne suis pas convaincu que ça a un quelconque intérêt de regarder ça. Par contre, se poser la question du climat scolaire, se poser la question des relations entre les élèves entre eux et entre les élèves et les enseignants, toutes ces choses-là peuvent avoir du sens. Et si on n'évalue pas ça, on risque, même si on a toutes les bonnes intentions du monde, de se retrouver à avoir des fausses croyances sur l'impact en fait des pédagogies qu'on a pu mettre en place. Donc ce côté évaluation pour nous est fondamental. Alors on va revenir, je garde bien en tête le lien avec le pédagogique, mais d'abord il y avait Sandrine et justement je voulais, enfin c'est peut-être ça que tu vas dire, mais je voulais aussi te demander ce que tu faisais de manière, pas quotidienne, mais en tout cas régulière et sur l'année pour développer ce bonheur d'être à l'école, mais je ne sais pas si c'était ça que tu, dont tu voulais parler. Ah, il faut que tu mettes le son. Non, alors on t'entend pas. Du coup, on reviendra à toi, je te laisse régler le souci. Il y avait Pascal qui voulait intervenir. Oui, c'était une intervention dans le prolongement de ce que venait de dire Mathieu, qui est presque une boutade, mais on parlait du bien-être des élèves et des enseignants. Ce qui me venait, c'est qu'on est dans une situation où le mal-être à l'école, il est systémique et il dépasse celui des enseignants et des élèves. Il y a eu une enquête il y a quelques années sur les inspecteurs et je me demandais si on pourrait imaginer que cette semaine du bonheur à l'école soit une invitation aussi à la hiérarchie, à l'ensemble des acteurs. Je ne sais pas si on pourrait imaginer que les inspecteurs qui inspectent cette semaine-là, qui travaillent cette semaine-là, viennent particulièrement avec l'idée de contribuer à cette semaine du bonheur à l'école. Et il me semble que vraiment on a besoin de prendre cette question à bras-le-corps à tous les niveaux de la hiérarchie. Donc la formation, il en a été question. Mais je pense qu'il faudrait vraiment mener une réflexion. On reste quand même dans une situation où les enseignants redoutent en général l'inspection. Et peut-être qu'on pourrait imaginer faire une action en direction aussi des inspecteurs et qui favoriserait peut-être leur bien-être à eux aussi. C'est intéressant. C'était presque une boutade, mais je pense Non, qu'il faudrait y pas réfléchir. mal. Non, je trouve que c'est intéressant parce que déjà Mathieu parlait vraiment d'impliquer tout le monde et ça serait intéressant. Alors, Sandrine, est-ce que. Oui. Oui, ça y est, on t'entend. Vas-y. Super. C'est vraiment chaotique en Corrèze aujourd'hui. Je voulais rebondir sur ce que Mathieu disait concernant la formation initiale des enseignants dans les INSPE. C'est vrai qu'à Limoges, on a une grosse formation en début d'année avec les M1, les M2 sur ces questions-là. Et ce qui est central et ce qui est vraiment prégnant dans toute l'académie, c'est qu'on doit d'abord travailler les compétences psychosociales des adultes avant même de pouvoir les développer et les accompagner chez les enfants. C'est un poncif, c'est une banalité, mais c'est vrai qu'en formation, là, nous avons assumé un certain nombre, peut-être une 50 heures là, entre Toussaint et Noël, là. 50 heures de formation dans des établissements où les collègues se rendent compte que la première des choses, c'est de travailler sur soi. Et toutes ces questions de sciences cognitives, de la psychologie positive, tout ce qu'elles nous apprennent, toutes ces sciences-là, la première des choses, c'est de travailler sur sa posture. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'intervenais sur la difficulté d'apprendre, parce qu'en fait, c'est un levier qu'on utilise à Limoges. Pour amener les collègues à cette idée que oui, on peut favoriser l'apprentissage et c'est comme ça que les renforcements positifs arrivent et c'est comme ça aussi qu'on peut emmener un certain nombre de collègues. Il y a beaucoup de gens qui sont réticents de changer justement des pratiques parce que ce sont des mécanismes de protection, parce que c'est confortable d'être dans une pratique qui est avérée depuis des années. Et c'est vrai que changer pour le mieux, eh bien parfois ça bouscule et parfois c'est compliqué. Et donc on travaille beaucoup sur ces résistances-là justement. Voilà. Alors du coup, je reviendrai dessus. Après, pareil, pédagogie et posture, c'est les questions que je voulais vous poser. Est-ce que tu veux bien, par contre, nous donner des exemples de ce que tu fais de manière, enfin, je sais pas, comment tu t'organises dans le temps avec tes élèves pour travailler justement sur ce bonheur d'être à l'école? Alors, en fait, je pense que ben, c'est en lien en fait avec la posture, puisque moi, ce qui a vraiment changé ma vie d'enseignante, c'est la manière de m'adresser à mes élèves sur des notions, par exemple, de correction. Je ne parle plus du tout de correction. C'est merci de partager, merci de contribuer. C'est des petites choses comme ça qui font que l'élève se sent empowered. Il a ce pouvoir d'agir sur son apprentissage à lui et sur celui des autres. Les collègues parlaient de classe coopérative, par exemple, c'est quelque chose qui maintenant, moi, me permet eh bien de rendre à l'élève ce pouvoir d'agir qui n'a pas forcément si on a une posture ou si on adopte ben, une forme scolaire plutôt autobus et puis classique descendante. Alors, c'est là aussi une banalité. Mais c'est vrai que ces classes coopératives, les classes puzzle par exemple, ce sont des choses qui permettent à chacun de s'engager. Et ça, quand on s'engage, on prend le risque, eh bien, de rater. Et rater en ayant un cadre sécurisant et contenant, eh bien, c'est possible. Et on apprend tous ensemble. Et du coup, cette forme scolaire qui se modifie justement à l'aune des sciences co et des CPS, elle permet de travailler là-dessus justement. Et les élèves sont contents. Ils sont contents parce qu'il y a eu un vrai retour positif sur leur travail personnel et aussi sur les autres. Et donc, les CPS émotionnels d'un côté, social de l'autre, et en travaillant sur la connaissance de soi aussi, bien sûr, tout ça participe du bonheur du bonheur et du climat de classe nettement favorisé. Merci beaucoup. Alors, Xavier, tu voulais intervenir? Et oui, parce que je voulais réagir aux remarques de Pascal, que je partage entièrement, et je voulais juste préciser que le groupe BCR, donc Bienveillance, Coopération, Réussite au pluriel, hein, on y tient beaucoup, est un groupe entièrement intercatégoriel. Et ça nous paraît extrêmement important. Il y a donc des enseignants du premier et du second degré, des CPE, des infirmières, des assistantes sociales, des chefs d'établissement et des inspecteurs et des inspectrices. Donc, c'est vraiment une communauté apprenante et on y tient beaucoup. Ça faisait partie du projet dès le départ, où soit une communauté où tout le monde puisse échanger et où justement chacun dans sa catégorie puisse aborder cette question du bonheur ou du bien-être, hein, au sein de ses missions et du cœur de son métier. Alors, je voudrais préciser aussi que BCR est reconnue et donc chaque année, on est invité à l'IH2EF à Poitiers pour intervenir dans la formation des chefs d'établissement et des inspecteurs stagiaires. Voilà, donc c'était quand même c'est un élément important que je voulais apporter dans la discussion. Après, j'aurais volontiers réagi aussi aux propos de Sandrine, que je partage, mais j'ai déjà beaucoup parlé, donc je ne souhaite Sur pas la forcément. posture, on va y revenir un peu aussi. Mais par D'accord. contre, je voulais te poser la question, c'est toi qui as des élèves plus grands, plus qu'en classe préparatoire et soumis à une pression importante quand même des concours. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, dans l'année pour qu'ils soient Alors. plus heureux d'être là, mieux dans leur peau, d'élèves, OK. d'étudiants? Alors, je vais juste préciser un peu. C'est une classe très particulière. C'est une classe préparatoire en un an aux études supérieures, une CPES, donc, aux grandes écoles d'art, donc Beaux-Arts, Art déco, design, éventuellement architecture, École du Louvre aussi. Et c'est en un an. Donc, c'est vraiment une classe préparatoire très, très particulière, qui est sous statut expérimental depuis une trentaine d'années, en gros, et à Fontenay, hein, à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, lycée Picasso, où je suis en poste. Et cette classe a été très longtemps la seule, aussi à Gagny, au lycée Gustave Eiffel. Et puis, le ministère s'est intéressé à cette classe il n'y a pas si longtemps que ça, et l'a développée dans d'autres académies. Alors, il faut bien voir que ces étudiants et ces étudiantes n'ont ni épreuve de philo, ni épreuve de lettres, ni épreuve d'histoire, encore moins de géographie, finalement, et que pourtant, ils ont un enseignement hebdomadaire dans ces disciplines. Alors, pas énorme. Moi, je les vois 3 heures et demie par semaine, mais c'est quand même 3 heures et demie. Et ça s'est pas fait en un an. Hein. Il m'a fallu un peu de temps pour y réfléchir et pour. Mais comment est-ce qu'on peut travailler de la manière la plus intelligente possible et la plus créative possible avec des étudiants qui n'auront jamais à faire leurs preuves dans ces trois disciplines, si ce n'est bien sûr qu'il y a une dissertation de culture générale, mais bon, qui est quand même un élément parmi beaucoup d'autres au moment où ils passent leur concours. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que pour beaucoup, l'enseignement du français au lycée avait été souvent très difficile. Alors, je ne l'ignorais pas complètement, parce que j'ai eu beaucoup de terminale L, art plastique, à une époque. C'est des élèves, pour partie, que je connaissais bien. Mais dans cette classe-là, nous accueillons aussi des élèves qui ont des parcours très différents, qui sont passés par des concours, parcours scientifiques, parfois professionnels, hein, parfois qui ont eu des années de césure. Et en réalité, j'ai eu l'intuition qu'il allait falloir travailler autrement et surtout évaluer autrement. Et c'est là que les remarques de Sandrine me parlaient beaucoup. C'est-à-dire ne pas les attendre sur ce qui se fait habituellement au lycée et en préparation de concours. C'était leur angoisse majeure. Comment vous allez nous évaluer et qu'est-ce qu'on va bien faire pendant ces heures de lettres? Et en fait, ça a été une réflexion assez longue. Et puis, progressivement, je me suis dit qu'il y avait un des deux créneaux d'une heure et demie où on allait travailler en atelier pour de bon. Moi, je suis par ailleurs danseur, donc on allait introduire le mouvement. Le mouvement, la voix, la relaxation. Ça m'est beaucoup demandé, hein, monsieur, est-ce qu'on ne commencerait pas par une relaxation? Donc, on a un espace où on peut le faire, une salle de sport où on peut le faire. Donc, c'est très, très bien. Parce que j'avais cette intuition que souvent le mouvement, la décontraction vont permettre d'être dans un état intérieur qui nous fait aborder la réalité autrement. Et par-dessus ça, moi, j'ai fait ce master à RENAC qui m'a définitivement convaincu que, effectivement, réintroduire la place du corps, hein, réintroduire le corps dans l'enseignement, dans l'apprentissage, réintroduire le mouvement dans l'apprentissage, eh bien, c'était incroyablement bénéfique. Moi, j'ai travaillé là-dessus, hein, comment on se relie aux autres grâce au mouvement dansé. Ça a été le sujet de mon travail. Et effectivement, comment à travers cette reliance, et une reliance qui souvent ouvre à une forme de plaisir corporel, à une forme de joie, à une forme de... Eh bien, on va pouvoir aborder les choses complètement autrement. Voilà. Et le meilleur exemple que je pourrais donner, pédagogique, c'est... travailler sur une pièce de Valère Novarina, qui est un auteur contemporain qui passe pour compliqué, mais qui est en même temps un immense auteur comique à la manière de Molière, et de m'apercevoir avec les étudiants qu'une scène qu'ils avaient choisie eux-mêmes et qui leur paraissait si impossible, ils finissaient par la mettre en espace, avec leur qualité de plasticien en plus, hein, parce que disons, ces qualités-là. Donc, le paradigme inactif, pour le dire d'un mot un peu savant, mais en tout cas, la cognition incarnée, c'est quelque chose de très, très fort. Mais ça nécessite aussi, effectivement, qu'on évalue très différemment. Voilà. Qu'on évalue positivement. Oui, merci beaucoup. Alors, une des questions principales, qui me touchait principalement et que j'allais vous poser, vous avez commencé à l'aborder, c'est vraiment le lien donc, de ce travail sur le bonheur à l'école et du pédagogique, qui est une question qui anime, j'ai l'impression, beaucoup de monde, chercheurs, enseignants, enfin voilà, parce que d'un côté, ça semble évident, c'est lié, et de l'autre côté, on a des chercheurs qui montrent qu'en fait, il n'y a pas de lien direct. Je prends l'exemple de Benoît Galland parce que c'est lui que j'ai plutôt vu en 2022 et puis là même dans sa conférence au CNESCO, il soulignait qu'il y avait eu une étude dans le cadre des politiques d'éducation prioritaire qui avait montré que la focalisation sur le bien-être, le bonheur à l'école, ça avait permis de diminuer les violences scolaires, mais que ça n'avait pas eu d'amélioration sur la réussite des élèves ou l'accrochage. Et en même temps, vous avez déjà commencé à parler de pratiques pédagogiques qui... en elle-même apporte du bonheur à être là. Alors en plus, je suis une fervente pratiquante des classes coopératives, donc je suis tout à fait d'accord. Mais quel lien vous faites? Comment ça peut être lié? Est-ce que ça doit être lié directement aux apprentissages? Est-ce que ça a un impact indirect? Est-ce que les compétences psychosociales se travaillent en même temps dans la classe, à côté, les deux? Enfin, je ne sais pas qui veut, qui souhaite répondre. Ça fait tout le Ouais, monde. Je veux Vas-y, bien prendre Mathieu. la parole sur la question de la science. Faut savoir que la science, ça fonctionne pas avec juste une étude, en fait. Ça fonctionne avec un ensemble d'études. Et la plupart des études, en fait, ont été faites dans des dimensions internationales. Et donc, on a aujourd'hui un nombre d'études et un nombre de méta-analyses donc, qui reprennent ces études pour essayer d'identifier véritablement quels sont les effets, qui montre que de travailler sur les compétences psychosociales, c'est-à-dire travailler, ce n'est pas juste en quelques jours, hein, c'est-à-dire mettre en place un programme sur les compétences psychosociales, a des effets bénéfiques sur à peu près toute la dimension émotionnelle et sociale, mais aussi des effets bénéfiques sur la réussite académique. Je ne sais pas, enfin, je n'ai pas l'étude que mentionne ce collègue pour dire que ça a un effet que sur un ou l'autre, et il est possible qu'il y ait un certain nombre d'études qui montrent que... ça n'a pas toujours des effets sur les performances académiques, mais si on met en place la plupart des programmes qui sont développés et qui sont mis en place sur ces éléments-là, il y a des méta-analyses, il y a des choses qui ont été faites, montrent des résultats bénéfiques. Donc, Et alors, au-delà de ça, j'ai envie de dire, si ça a déjà un effet sur le climat scolaire, si ça a un effet sur la diminution des violences et que ça n'a pas d'effet sur les maths, ce n'est pas dramatique en soi. Vous voyez, je veux dire, aujourd'hui, le problème des profs, c'est effectivement d'avoir une interaction sereine aussi avec les élèves. Le problème qu'on a aussi, c'est la vie en groupe, c'est la vie en communauté, c'est la compréhension de l'autre, c'est aussi la tolérance, c'est des compétences qui sont fondamentales pour bien vivre ensemble. Bon, par exemple, quand j'ai vu les résultats PISA en maths, je me suis dit, si on était dans un monde où en fait les élèves étaient contents d'aller apprendre, si on était dans un monde où il y avait du bien-être, où ils apprenaient aussi des compétences qui ne sont pas d'ailleurs évaluées dans PISA, mais qu'ils avaient un petit peu moins de performance en maths, ce ne serait pas dramatique. Le problème, c'est que ils ont des difficultés d'apprentissage en maths et que en plus, ils ne sont pas forcément systématiquement heureux lorsqu'il s'agit d'aller apprendre. Donc, vous voyez, il faut arrêter de considérer tout ce discours qui consiste à dire oh, bah, ça n'a pas d'effet sur les maths, donc ça ne sert à rien. Non, ça a des effets sur la créativité, sur la résolution de problèmes complexes qui ne sont pas forcément ce qui est évalué en maths. Donc, posons-nous la question de ce qu'on évalue, de ce qu'on veut regarder, de ce qu'on veut avoir comme impact et mettons en place les évaluations qui permettent de le faire. Oui, puis vous me corrigez si je me trompe, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on avait avant à PISA le record de non-réponse. Donc je me dis qu'un élève qui ne répond pas, c'est quand même, il doit être sacrément angoissé de ne pas oser. C'est ce que Sandrine soulignait sur le fait de se sentir Le seul suffisamment à l'aise. résultat de PISA, moi, qui m'interpelle vraiment au-delà des mathématiques, hein, parce que oui, enfin, c'est la question des inégalités sociales. Et ça, pour le coup, en France, on fait partie des meilleurs pour renforcer les inégalités sociales. Et je suis convaincu qu'on a besoin de travailler sur ces compétences psychosociales aussi pour essayer de les réduire. Donc, c'est plutôt ça le résultat de PISA qui m'intéresse. Non, je vous dis, si ça joue sur le climat scolaire, c'est déjà très très bien. J'habite à Bobigny, je peux vous assurer que si on est capable de changer un petit peu le climat scolaire, et de même si on n'impacte pas véritablement la performance en maths, tout le monde sera très satisfait. Mais Merci. je vous dis, les études internationales montrent que les compétences psychosociales, ça a un effet sur la performance académique aussi. Maintenant, il y a plein de modérateurs qui rentrent en ligne de compte. C'est pas la même chose de renforcer les compétences psychosociales au primaire, au collège, au lycée ou à l'université. Ça n'a pas tout à fait les mêmes impacts. Et il y a plein d'éléments. Le niveau socio-économique en fait partie aussi. Donc, c'est un tout petit peu plus complexe que de dire, bon, ça marche sur un truc, mais pas sur l'autre. On arrête ou on ne sait pas, ou il faut se méfier. Non, la réalité est bien plus complexe que ça. Merci beaucoup. Laure? Oui, mais je voulais rebondir sur ce que disait Mathieu, et je pense qu'on est tous fermement convaincus ici que l'importance du développement des compétences psychosociales, qui sont, selon les méta-analyses récentes et confirmées en 2023, donc cette année, effectivement des déterminants majeurs sur la santé, sur la réussite scolaire et professionnelle, et sur le bien-être, un moyen de lutter contre les inégalités. Voilà. Après, ce n'est pas un coup de baguette magique. Effectivement, et que voilà, c'est comment est-ce qu'on peut tous individuellement, collectivement être efficaces au quotidien. Mais ce qui perturbe encore beaucoup, c'est qu'on est finalement dans un changement de paradigme. On est en fait les héritiers d'un système éducatif français très axé sur la transmission des compétences académiques. Et aujourd'hui, on voit bien l'urgence de développer toutes ces compétences psychosociales pour mieux apprendre, pour mieux interagir avec les autres, pour mieux coopérer, pour mieux réussir. Donc, on voit bien le lien entre le développement de ces compétences psychosociales et les compétences académiques, et elles sont indispensables. Maintenant, c'est ce que disait aussi Sandrine, ça questionne, ça bouscule énormément les postures. Et je pense que voilà, le problème, il est vraiment à prendre au niveau beaucoup plus global, et que pour développer ces compétences psychosociales aussi, il faut, je pense, inviter à intégrer ça dans une démarche intégrée au quotidien. Comment est-ce que cette question du bien-être, comment est-ce que ces compétences psychosociales, déjà, effectivement, je les développe moi, et comment est-ce que je les intègre au quotidien sans en faire forcément quelque chose en plus? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les enseignants sont très pressurisés, il y a des programmes à terminer, etc. Donc on sait que le développement des compétences psychosociales se développe par des apprentissages formels, basés, voilà, sur des dispositifs, des programmes probants, mais qui concernent finalement que 10 heures de la vie d'un élève sur une année. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas au quotidien, dans notre posture, dans nos gestes professionnels, dans les rituels qu'on va mettre en place, dans les activités qu'on propose déjà, en mettant des élèves en situation de travailler en groupe, en mathématiques, ben comment est-ce qu'on va rendre l'apprentissage explicite sur la coopération? Voilà. C'est-à-dire qu'on va faire des maths, mais on va aussi apprendre à coopérer. Et je pense que ça, voilà, ça va prendre du temps, mais que c'est peut-être une voie à explorer, peut-être davantage qui correspond davantage là où on en est, en tout cas dans notre système éducatif français. Et puis je pense qu'il y a cette question de la posture, l'apprentissage formel, l'apprentissage informel, et cette implication de tous les acteurs qui agissent au quotidien. Et comme ça a été rappelé déjà depuis le début, c'est pas seulement l'école, et on peut pas tout faire reposer sur l'école, et qu'on est vraiment Il nous faudrait voilà, une approche qui soit systémique, un processus continu aussi dans le développement de l'enfant. L'instruction interministérielle parle de génération 2036, hein, c'est tous les enfants qui rentrent à l'école et si leur scolarité se passe bien, sortiront en 2037, devront avoir bénéficié d'un entraînement au développement de ces compétences-là. Donc le chemin est long. Mais bon, voilà, il y a une dynamique qui est lancée. Maintenant, effectivement, il faut aussi voilà, veiller à ce que tous les acteurs soient impliqués, veiller à avancer avec voilà, les données probantes et qu'on se concerte pour ne pas faire n'importe quoi. Mais encore une fois, voilà, je pense qu'il est important de dire à tous ceux qui nous écoutent qu'ils font déjà beaucoup de choses au quotidien sans forcément le savoir et qu'aujourd'hui, on a à notre disposition des études, des outils qui nous permettent simplement d'être plus efficaces, d'être plus en sécurité aussi dans ce qu'on fait et qui légitiment aussi notre action. Voilà. Et cette semaine du bonheur à l'école, elle est peut-être là aussi pour ça, c'est-à-dire de se mettre ensemble, de réaliser, de partager tout ce qui se vit sur le terrain, tout ce qu'on pourrait faire pour aller encore plus loin. Et déjà, ça, c'est fantastique. Et maintenant, comme on l'a dit, c'est entretenir ça dans la durée, bien sûr. Merci. Avant de donner la parole à Sandrine, mais du coup, j'ajoute la question de la posture que j'allais mettre après, mais qui est effectivement très liée au pédagogique et éducatif. Est-ce qu'il y a une posture particulière à avoir? Vous en avez déjà parlé, Xavier parlait de la manière d'enseigner et de la manière d'évaluer, Caroline de l'écoute qui est accordée, enfin de plein d'autres choses aussi, hein, mais quand tu parlais de ton... Alors j'ai oublié, c'était barre à question, barre à écoute, je suis désolée. Barre à solution. Barre à solution, encore mieux, voilà, de l'écoute de Voilà. l'élève. Sandrine parlait des classes coopératives. Du coup, voilà, je te laisse parole, Sandrine, mais du coup, voilà, dans ce pédagogique, l'éducative, la posture, comment, quelle posture, quel lien avec le pédagogique? Sandrine, je te laisse parler. Moi, j'aime bien dire que pour que la communication passe, il faut brancher les fils. C'est Thomas d'Ansembourg qui dit ça, mais je trouve que c'est tellement ça. Valider d'un côté une émotion désagréable, qu'elle provienne de l'extérieur, de problèmes personnels, familiaux ou d'un problème d'apprentissage. Et c'est d'ailleurs le cœur, d'ailleurs, nous ne sommes pas des thérapeutes, nous sommes des pédagogues et des didacticiens. Et du coup, la première des choses à travailler, c'est justement valider une émotion, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. La valider d'un côté et ensuite, travailler le comportement qui va avec. Et quand on a ces deux idées-là, c'est ce que j'appelle le mama bear, c'est d'un côté je valide et de l'autre j'apprends, j'enseigne à se comporter de façon plus appropriée. Quand on valide ces deux choses-là, c'est un boulevard ensuite pour l'apprentissage. On parlait de posture par rapport aux classes coopératives, par exemple. Je crois que l'essentiel, c'est d'avoir en tête qu'est-ce qu'on veut faire dans une activité quelle qu'elle soit. C'est quoi mon objectif? Et ça, ce sont les sciences cognitives qui nous l'apprennent. Métacognitivement parlant, j'ai un objectif et je dois travailler une stratégie. C'est la même chose pour l'enseignant. Quand je suis en classe, j'apprends mon métier en fait à chaque heure de cours en fin de compte. Et donc, quel est mon objectif? Est-ce que je veux qu'ils apprennent l'anglais? Oui. Apprendre les verbes irréguliers pour les verbes irréguliers? Non. Ce que je veux, c'est qu'ils apprennent à communiquer les uns avec les autres. Qu'est-ce que je mets en place pour y parvenir? La classe coopérative, elle permet ça à condition de poser comme objectif l'apprentissage du travail en groupe. C'est-à-dire que c'est pas, je ne vais pas évaluer une communication, un débat par exemple, je vais évaluer la capacité à travailler ensemble. Et ça, c'est posé dans les objectifs justement. Et ça procède justement d'un changement de posture. Même chose. Toujours métacognitivement parlant, quand la tâche est terminée, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as appris? Comment as-tu fait pour l'apprendre? Ces questions-là, elles permettent de prendre ce recul sur ce que l'on a fait et travailler sur le feedback dont je parlais au début. La critique, parce que ben, je n'ai pas forcément fait ce qu'il fallait. Si je réfléchis à comment j'ai fonctionné et si l'enseignant m'apporte cet espace-là de parole pour pouvoir le travailler avec les autres, je construis un ensemble de solidarité. Voilà, Merci Mathieu beaucoup. voulait dire quelque chose. Ah, mais avant, Xavier avait levé la main avant, donc je laisse Oui, Xavier. et Xavier, puis Mathieu. Xavier? Mais Mathieu, c'était pas grave, tu pouvais prendre la parole. Moi, je vais essayer d'être très court cette fois-ci. C'est super important cette question de la posture. Alors là, c'est pas tellement en tant que prof que je parle, enfin si quand même, mais surtout en tant que formateur et formateur de la mission des compétences psychosociales, c'est que développer les compétences psychosociales, ça n'est jamais pratiquer un cours de morale. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il faut quand même s'assurer que les gens ont été formés. C'est-à-dire que ce n'est pas un nouveau catalogue moral qu'on développe devant une classe. Parce que ça, c'est encore autre chose. Et c'est là qu'effectivement, il faut arriver à les incarner. La posture, elle doit être incarnée. Et c'est pour ça que c'est si important, et merci d'avoir enfin, posé cette question, Emeline. Ça ne peut pas se réduire à un catalogue. Hein. Et est-ce que tu as validé chacune des compétences? Et là, quand même, dans ce débat que nous venons d'avoir, c'est incroyable ce que tu as osé dire. Bon, et non. Voilà. C'est pas comme ça que ça se pose, quoi. C'est autrement que ça se pose. Et ça, c'est pas si simple. Et c'est là que la formation doit être extrêmement exigeante et qu'on doit faire très, très attention. Voilà. On peut aller plus loin. Et que l'évaluation, de mon point de vue, est centrale dans cette affaire. Est-ce que je peux dire juste un mot sur l'évaluation? Justement, ce que tu as. Oui, parce que tu as des. Oui, pardon, je dis oui, mais en fait, on est tous en face de Alors, l'écran. ben, tu sais, il y a plusieurs manières d'aborder cette question de l'évaluation. Moi, j'ai décidé, il y a quelques années, parce que c'était devenu une vraie question professionnelle pour moi, une vraie question de survie professionnelle, comment est-ce qu'on corrige? Hein, on y passe assez de temps pour que ce soit aussi un moment important pour soi et pour les élèves. Et j'ai d'ailleurs enregistré un podcast là-dessus. Moi, je ne corrige plus sur les copies. Voilà, c'est définitif. C'est un saut que j'ai fait. La copie, je m'en fais une idée, je corrige. Ailleurs, ce que j'ai à dire à l'élève n'est pas sur la copie. Ce qui ne veut pas dire que la copie, je ne l'ai pas lue, que je n'ai pas. Mais et les élèves en sont en général extrêmement reconnaissants. C'est-à-dire que je leur rends une feuille sur laquelle je leur donne mon travail à moi, parce que la copie, c'est leur travail à eux. Et plus on fait ce travail-là, plus on s'aperçoit qu'on rentre dans une forme de description de ce qu'on a lu. Et la description de ce qu'on a lu amène immanquablement à découvrir qu'il y a toujours plus que ce qu'on aurait dit au départ. C'est-à-dire qu'au départ, on est souvent un peu dans l'émotionnel, ou même si on pense être très rationnel, eh bien finalement, des copies où il n'y a vraiment rien, c'est pas vrai. Et ça change beaucoup. Ce qui ne veut pas dire que l'élève a le bac, c'est encore un autre problème. Mais du moins, on a soulevé, hein, la cocotte minute, on a soulevé le couvercle, on a laissé chacun respirer et surtout ne pas avoir cette espèce d'angoisse. Hein. Moi, je rends les copies et puis après, je donne la feuille. Et sur la copie, il n'y a rien. Il y a juste un petit mot en haut, pensez bien à lire ce que je vous ai écrit. Il n'y a pas non plus la note. À la note, c'est Voilà. un autre vaste sujet, mais Après, merci ça pour n'est cette que mon remarque. expérience. Oui. Ça n'est que mon expérience. En tout cas, moi, elle m'a permis de reprendre un peu. Oui, Voilà. non, c'est intéressant. Merci beaucoup. Mathieu? Moi, je voulais réagir sur ce changement de posture parce que je pense qu'il est à plusieurs niveaux. Travailler sur les compétences psychosociales, c'est essayer de travailler en amont en fait des problèmes. C'est-à-dire d'essayer de faire de la vraie prévention. Des problèmes relationnels qui pourraient y avoir ou des difficultés qu'on pourrait avoir à réguler ses émotions. Je vous donne un exemple. Souvent, on me dit, mais comment je fais lorsque j'ai un conflit entre deux élèves et que ils se mettent à s'insulter, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Ou quand ils viennent me dire, quand ils viennent m'expliquer que quelque chose est très grave et que c'est horrible et que c'est une injustice, etc. Comment je dois me comporter? Et je leur dis, mais le problème, c'est que l'idéal, ce serait de travailler sur ces notions quand il n'y a pas le conflit encore. C'est-à-dire que c'est de les outiller pour gérer leurs conflits avant que les conflits n'existent. Parce que travailler quand il y a un conflit et se mettre à discuter alors qu'ils sont déjà en train de soit de s'insulter, soit carrément d'avoir de la violence physique, c'est pas évident. C'est pas évident à pouvoir intervenir. Par contre, avoir fait ça en amont, en temps de paix, avoir expliqué d'où viennent les conflits, comment on peut les résoudre, comment on peut mettre en place avec eux, parce que. Et c'est là aussi une des difficultés des compétences psychosociales, c'est qu'il n'existe pas une recette miracle qui vous permettra de réguler vos émotions. On sait qu'il y a des stratégies qui réussissent mieux que d'autres, mais c'est aussi une façon personnelle en fait d'appréhender l'émotion. Et chaque élève, quand il est en colère, quand il est triste, quand il a peur, il faut l'aider à développer ses propres stratégies qui lui permettront de se sentir mieux, ou en tout cas de revenir à un état acceptable plus rapidement. Mais par contre, il y en a, par exemple, quand ils sont en colère, ils ont envie de, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de faire quelque chose. Bon, bah peut-être que là, il faut réfléchir et être un peu plus créatif et pas essayer d'appliquer un manuel de ce qu'il faut faire quand ils sont en colère, essayer de réfléchir à comment on peut mettre en place, en fait, avec eux, des outils pour ce genre de choses. Le problème, c'est que si on le fait pendant qu'il y a le problème, c'est beaucoup plus difficile. Si par contre, on a travaillé bien en amont sur ces choses-là, ça peut, ça peut changer. Et l'autre point qui, pour moi, en termes de changement de posture, est fondamental, c'est que l'enseignant va aussi apprendre des élèves de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on doit aussi apprendre de ce qu'ils nous disent, de comment eux pensent les émotions, de ce qui est difficile pour eux, de ce qui est difficile dans leur point de vue, parce que pour vous, cette injustice n'est peut-être pas une injustice si dramatique, mais il faut pouvoir l'entendre. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans une posture où, effectivement, je me mets à la place de l'adolescent et j'essaye de le comprendre. Et pas forcément de rien faire derrière, ou pas forcément, mais pas le juger et essayer de le comprendre. Et ça, c'est très différent. J'entendais il n'y a pas très longtemps notre cher ministre expliquait qu'il y avait le professeur qui savait et l'élève qui devait apprendre. Et je vois bien d'où ça vient et je vois bien comment il peut le dire, mais si c'est ça la conception en fait de l'enseignement, effectivement, je comprends qu'on a un souci et que dans plein de situations de la vie quotidienne, et en particulier sur les compétences psychosociales, il y a un apprentissage mutuel à avoir et qui est fondamental. Et je ne vous parle même pas de la créativité. Si on part du principe que je sais déjà la solution qui va devoir être appliquée à un problème complexe, bon bah autant pas essayer de leur apprendre à résoudre des problèmes complexes parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. Laure, je ne sais plus, donc j'ai pas vu dans quel ordre vous levez la main. Le On ne son. t'entend pas, Laure, il faut que tu mettes le son. Je vais être très rapide parce qu'évidemment, j'adhère à tout ce qui vient d'être partagé par Mathieu, qui montre déjà voilà, combien cette posture elle est centrale. C'est notre meilleur outil pour vraiment développer les compétences psychosociales des jeunes. C'est nous. Nous sommes vraiment un modèle, qu'on le veuille ou non. Et comment est-ce qu'on peut être inspirant dans notre quotidien? C'est pas facile, c'est très exigeant, c'est responsabilisant. Et ça demande effectivement à avoir une aussi une posture réflexive, si on devait la qualifier un petit peu. Et c'est où est-ce que j'en suis, moi, dans le développement de ces compétences? Voilà, comment s'auto-évaluer aussi par rapport à ce qui vient de se passer. Et puis, voilà, on a parlé de la lutte contre le décrochage ou d'agir en prévention, etc. Et c'est là où se jouent effectivement les compétences psychosociales qui sont à la croisée entre la prévention et la promotion de tout ça. Mais voilà, lutter contre le décrochage scolaire, c'est évidemment fondamental et c'était juste pour rebondir là-dessus, mais œuvrer pour le mieux vivre ensemble, c'est fondamental aussi. Et donc, cette semaine du bien-être à l'école, elle est aussi là pour mettre en lumière l'importance de œuvrer ensemble pour un meilleur vivre ensemble. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Sandrine? Pascal a commencé avec le growth mindset des élèves, de se dire capables d'apprendre. Ils sont capables, grâce à la neuroplasticité, ils sont capables, les adultes aussi. Nous sommes capables de changer. Donc, c'est aussi à garder en tête, à mon avis. Merci beaucoup. Alors, du coup, moi, je pourrais continuer des heures parce que Et c'est Emeline, passionnant. Oui, vas-y, Caroline, pardon, juste. j'avais pas vu. Vas-y. Une petite, ben non, j'arrive plus à lever la main, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas grave. Donc, moi, je suis en EPS et j'avoue que développer des compétences psychosociales, nous, ça a toujours été à l'ordre du jour, c'est notre quotidien. Donc, ce n'est pas qu'on est avant-gardiste, mais on y réfléchit toujours parce que nous, on a des groupes particuliers, on a un espace de pratique particulier, on a des règles particulières. Et la difficulté qu'on a et que tous les enseignants ont quand on est face aux compétences psychosociales, c'est que bah, on est face à 30 élèves parfois qui vont avoir une histoire différente, qui vont avoir à la maison des parents qui vont intervenir différemment auprès d'eux, qui vont avoir des relations sociales différentes, des envies différentes. Et en fait, on se retrouve avec un panel de mini-objectifs pour chacun. Et je comprends que les enseignants puissent se dire, ben, c'est difficile et par où je commence le chantier des compétences psychosociales, quoi. Parce que tel élève va avoir besoin ben, de gérer ses émotions, puis l'autre, il est plutôt au point, mais au niveau des interactions sociales, c'est pas possible. Et donc, en fait, on est un peu perdu. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de formation vraiment concrète. Concrètement, qu'est-ce que je fais face à 30 élèves pour développer un maximum de choses et dans un temps réduit. et tout en continuant les apprentissages à côté. Donc c'est pas facile, c'est une mission complexe et on s'y intéresse de plus en plus, mais c'est tellement important. Oui, et du coup, j'espère que ce podcast aura donné des pistes, que vous avez donné plein d'exemples de ce que vous aviez fait, des liens pour aller voir des outils. On mettra tout à la suite du podcast, évidemment, pour pouvoir s'y reporter. Comme je disais juste avant, du coup, désolée, Caroline, je t'avais coupé un peu. Moi, je pourrais continuer 2 heures, mais déjà, ça fait plus d'une heure, je crois, qu'on est en train de parler. Du coup, on va clore. Et je voulais juste dire qu'à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, il y a une journée d'études justement prévue pour la Journée internationale du bonheur le 21 mars. Est-ce que Pascal, tu peux juste nous en dire un mot comme conclusion? Oui, peut-être en dire un petit mot pour déjà dire que le programme n'est pas fixé d'avance parce que j'ai vraiment envie qu'on puisse le mettre en place avec les acteurs qui sont impliqués dans cette semaine du bonheur à l'école. On n'a pas dit que le thème cette année, peut-être qu'on le devine avec tout ce qu'on a dit, mais le thème c'est le vivre ensemble justement. Et c'est ce qui nous a amené à parler autant des compétences psychosociales. Et l'idée de cette journée d'études, pour moi, il y a deux dimensions qui me sembleraient vraiment importantes. La première, c'est, comme on l'a dit, c'est de célébrer cette idée du bonheur à l'école, de donner envie à d'autres de se lancer dans l'aventure. Et je trouverais important aussi d'y associer les jeunes. Il se trouve que le campus de l'EHESS est situé, le campus Condorcet est situé à Aubervilliers, dans l'Académie de Créteil. Nous sommes aussi en lien avec Bénédicte Arre dans le cadre du projet Vers une nouvelle équation académique, qui est aussi un projet qui vise à la fois à améliorer l'apprentissage des mathématiques, mais aussi en mettant en parallèle cette question des compétences psychosociales. Et donc, j'aimerais bien pouvoir faire en sorte que cette journée d'études soit pas seulement une journée d'études universitaire, mais une journée d'études qui fédère l'ensemble des acteurs de l'écosystème éducatif, qui est vraiment le projet de cette semaine du bonheur à l'école. Et donc, j'invite des personnes qui auraient envie d'y contribuer d'une manière ou d'une autre, que ce soit parmi nous, les participants du podcast ce matin, ou parmi les auditeurs qui l'entendront, de nous contacter pour proposer éventuellement des interventions ou faire en sorte que cette journée, elle aura lieu le 21, le jour de la Journée internationale du bonheur, que cette journée puisse être éventuellement disséminée dans d'autres académies que simplement l'Académie de Paris ou l'Académie de Créteil avec le campus Condorcet. Bah, on mettra le lien à la suite du podcast. Eh bien, merci à vous toutes et tous. C'était vraiment super. Enfin, on peut continuer à faire une journée entière de podcast, mais je pense qu'à un moment donné, ça devient plus audible, trop fatigant. En tout cas, merci beaucoup à tous. Et puis, on a commencé à parler d'un épisode en fin d'année pour faire un retour sur ce travail toute l'année du bonheur à l'école, du vivre ensemble à l'école. Merci beaucoup. Merci, Merci. avec Merci plaisir. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci.